une histoire particulière. Il n'existe aucune trace sonore de la voix du célèbre castrat Farinelli. Et pourtant, il a bien fallu la reconstituer pour le film de Gérard Corbiot, sorti en 1994. C'est dans les studios de l'IRCAM que Xavier Rodet travailla à retrouver une tessiture capable de couvrir 4 octaves, ce qui ne pouvait alors être obtenu qu'en mixant 2 voix différentes, une femme soprano et un homme contre-ténor. Au total, il ne faudra pas moins de 3000 points de montage pour mixer les 2 voix. Ensuite, il fallut synthétiser des voyelles longues pour augmenter la durée de certaines notes. Ainsi, pour réaliser une mezza di voce de 20 secondes, les castrats pouvaient faire durer cet effet plus d'une minute et repartir ensuite dans l'aigu sans reprendre leur souffle. C'est ce que je vous propose de faire maintenant en reprenant notre souffle et en écoutant la voix bien réelle du dernier castrat. Chemin de voix par Marie Chartron et François Teste. Aujourd'hui, Alessandro Moreschi, l'ange de Rome. Moi, l'objectif que je trouve le meilleur pour arriver à définir sa voix, c'est le côté androgyne de cette voix qui est quand même très spéciale, quoi, parce qu'on a une sorte de voix d'enfant, de femme, de haut de contre, mais on sent que, enfin, voyez, c'est une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est quand même, il y a une sorte de malaise quand même quand on écoute cette voix où on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est comme si on tenait la gorge pour chanter plus haut. Enfin, bon, il y a quand même quelque chose de très très particulier. Que reste-t-il d'Alessandro Moreschi, le dernier castrat de la chapelle Sixtine? Une tombe discrète dans le cimetière du Campo Verano à Rome, une plaque de marbre sur laquelle on peut lire L'Angelo di Roma, l'ange de Rome. Quelques rares photos ensuite, plantées sur un grand corps, un visage rond et enfantin, surmonté de cheveux sombres, des yeux doux. Il pose seul ou avec ses collègues du chœur. Il reste aussi cette inoxydable Ave Maria de Gounod sur un prélude de Bach, qu'enfant, Alessandro avait peut-être chanté dans le chœur de l'église de Monte Compatri, bien avant cet enregistrement. S'intéresser à Moreschi, c'est s'attacher à une figure que la majorité des musicologues considèrent avec un certain mépris comme un fossile vivant, évacué au détour d'une note de bas de page. Il aura fallu la curiosité du contre-ténor Nicholas Clapton et son voyage dans les archives du Vatican pour jeter une lumière sur cette vie passée dans le secret des chapelles. Monsieur Moreschi est né près de Rome en 1858. Et quelqu'un, on ne sait pas qui, l'a castré probablement quand il a peut-être 8-9 ans. Il était un enfant un peu faible. Il a été baptisé le jour de sa naissance. C'est peut-être dû à son état de très faible quand il était né. Il était castré avant la mue de sa voix. Et il y avait, dans ce temps-là, toujours, il y avait un talent scout. Un chasseur de talent, un recruteur, oui, du Vatican. Un recruteur du Vatican qui cherchait des enfants talentés, et c'est peut-être que quelqu'un, que ce monsieur, l'a trouvé dans son lieu de naissance. Perché sur une colline à l'est de Rome, Monte Compatri fait encore partie des territoires pontificaux, réduits comme peau de chagrin en cette période d'unification italienne. Au milieu du XIXe siècle, la castration à des fins musicales a disparu depuis longtemps dans le reste de l'Italie, mais les chœurs papaux continuent de cultiver leur tradition séculaire. Moreschi est le 6e enfant d'une famille nombreuse. Il chante à l'église et sa voix est belle. En 1867, l'antisepsie est introduite en chirurgie, le premier livre du Capital de Karl Marx paraît et Johann Strauss compose le Beau Danube bleu. Monte Compatri vient d'échapper à une épidémie de choléra. Alessandro a 9 ans et il est castré probablement cette année-là sur le conseil d'un émissaire du Vatican pour préserver sa voix. Des circonstances de sa castration, on sait peu de choses. Mais la perspective d'un avenir assuré pour l'enfant et d'une bouche en moins à nourrir pour la famille a certainement été décisive. On sait très très peu de sa famille. J'ai fait beaucoup de demandes à mon compatrie, à des personnes qui habitent là. Les gens disent toujours « Oh, des paysans, paysans ». Personne très simple. Quand il arrive à Rome en 1871, il a 13 ans. Oui. Il se retrouve dans un collège, une école de chant. Il est le seul castrat. Il est le seul castrat. Cela a dû être très, très difficile pour lui, avec ses collègues qui certainement se moquaient de lui. Le pauvre. Il a dû souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'était précisément le moment de la puberté. Absolument, un moment d'instabilité, de difficulté, de l'adolescence. Mais l'adolescence, pour lui, n'existait pas. Parce que sans les hormones, il n'y a pas de ces changements. Le corps grandit. Sans l'hormone de testostérone, il n'y a pas de signal aux os qu'ils doivent cesser de grandir. Et on peut voir des caricatures très très fortes du 18e siècle avec des caricatures des castrats affreuses, leurs jambes et leurs bras très très longs. C'était une déformité physique très étrange. Moreschi n'a pas tellement souffert de ça, mais il est devenu très très grand. Sa cage thoracique était très très développée parce que ses os n'ont pas cessé de grandir. D'une certaine manière, le chant restait sa seule planche de salut. Oui, oui, mais aussi on peut dire que sa fortune, c'était que dans ce temps-là, le chef de chœur de la Sistine était aussi un castrat, c'est Mustapha. Uniquement, dans toute l'histoire de la Sistine, le chef de chœur était un castrat lui aussi. Domenico Mustapha. Oui, une personne d'intérêt énorme qui a voulu toujours préserver les grandes traditions de la Sistine. Quelle est-elle, cette voix, Léopold Gilloutz Laforge? C'est une voix de la tessiture, c'est une voix de contre-ténor. Une voix qui sonne, en fait, aiguë pour les hommes, qui, du coup, peut surprendre par cette hauteur. C'est une voix, en fait, qui revient à conserver plus ou moins la voix de garçons, en fait, quand beaucoup de... Il y a un certain nombre de contre-ténors qui ont été maîtrisiens quand ils étaient enfants. Et sans faire de généralité abusive, il y a quand même beaucoup de contre-ténors qui veulent retrouver ce qu'ils ont appris dans l'aigu, quelque chose de... Je sais pas, ça dépend vraiment, d'assez cristallin. Ça peut être très très vaste en fait. De 13 à 14 ans, enfin, il y a une période pour l'enfant où la voix sonne très très bien, parce que le corps commence à se développer, mais le larynx ne bouge pas trop. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la voix du chant du cygne. Pendant l'espace, on va dire d'un an, deux ans, on a encore un larynx très très accroché, très proche, très mobile en fait, et qui en même temps se développe, donc ça donne pendant, ouais, comme ça, un an, deux ans, une puissance, tout en gardant l'aisance. C'est en fait ce que conservaient les castrats. La différence des hommes, en fait, parce que c'est pas que les contre-ténors, qui voient en fait leur larynx descendre, leur corde vocale s'agrandir, et tout ça en fait change complètement l'émission de la voix. Thank you. Claire Gilly, musicologue, psychanalyste. Les castrats ont existé parce que l'Église a permis et même favorisé la castration des jeunes garçons, ces voix d'anges, quand même on parlait d'anges, donc asexués, qui chantaient si bien dans les chorales, et il va falloir conserver dans l'Église ces voix-là, avec toutes leurs particularités de voix d'enfant, mais toute la puissance thoracique et pulmonaire de la voix adulte. Ça nous a donné les castrats avec ce film Farinelli où on voit tout cet échec qui a pu avoir lieu en cours de route et ce fantasme social en même temps de cette voix d'ange à l'intérieur d'un corps d'homme, mais aussi une voix de femme. Parce que la voix du petit garçon est très proche de la voix de la petite fille. Ils sont asexués, comme si l'homme avait toutes ces voix-là en lui. La voix de l'enfant, la voix du garçon, la voix de la petite fille, la voix de la femme, laquelle femme était interdite à l'Église. Donc vous voyez bien que dans cette religion, il y a un enjeu terrible de la jouissance qui est donné par la voix. Ce que Michel Poisat avait largement étudié, montrant que dans toutes les sociétés, il y avait un certain rapport, pas seulement à la jouissance, mais à la régulation de cette jouissance. La voix fait peur. La voix adulte peut faire peur. Les mutations, l'affect porté par la voix déclenchent des interdits ou des autorisations de cette voix. Et on le voit aussi dans d'autres religions. Petit précis, simplement, sur les voix. Ouais. Chez les hommes, on a plusieurs voix qui sont... On a les grandes catégories, si on met de côté celle de contre-ténor, c'est ténor, baryton et basse. Ténor, une voix aiguë, baryton assez centrale, celle qu'on retrouve le plus chez les hommes, la plus commune, mais qui peut être après avoir plein de couleurs différentes, et basse, qui est une voix très très finalement assez rare. Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette voix de contre-ténor, Léopold Gilot de Laforge? Un accès assez important au répertoire baroque et au répertoire contemporain. La voix de contre-ténor remplace les voix de castrat dans l'opéra aujourd'hui. Quand ça peut être aussi chanté par des mezzo, mais maintenant des rôles d'hommes dans les opéras seria baroque, on les confie souvent à des contre-ténors. Et dans la période contemporaine, il y a beaucoup de compositeurs, notamment français d'ailleurs, qui se sont intéressés à cette voix et qui ont composé beaucoup de choses pour cette voix-ci. De la chanson à l'opéra et aussi aux œuvres religieuses. Fait entendre une partie de la vie d'Alessandro Moreschi, le dernier castrat, premier soprano du chœur de la chapelle Sixtine. Est-ce que vous avez déjà entendu sa voix et ses enregistrements? Oui, notamment le Crucifixus de la messe solennelle de Rossini, qui était très très intéressant, parce que c'est des couleurs qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre en fait dans les voix aujourd'hui. Et souvent, quand on entend ce castrat, on dit... c'est nasal, c'est serré, ça va pas, mais en fait, il y a énormément de richesse chez ce chanteur, et c'est bien dommage que de nombreuses personnes trouvent ça, l'ignorent. Ils disent, tiens, c'est un peu gadget d'écouter ça. C'est un peu côté blague, en fait. On fait, tiens, c'est le dernier castrat, t'as vu, ça sonne un peu étrangement et tout. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est dommage, c'est tellement dommage de considérer cet enregistrement, ces enregistrements, comme d'une telle manière, en fait. Et ceux qui aimeront ces enregistrements. Ceux qui aiment vont aimer découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, des couleurs complètement fascinantes qu'on retrouve peu en fait chez les chanteurs d'aujourd'hui. À l'époque où il chantait, une dame de la bonne société catholique a écrit « Il y a une larme dans chaque note et un soupir dans chaque respiration. » Ça m'étonne pas du tout. C'est des voix qui... Je parlais de timbre, mais c'est un timbre qui est extrêmement au service de l'émotion. Et c'est nous des choses, en fait, en tant que chanteurs, qu'on... ce n'est absolument plus la mode, en fait, du moment. Et c'est bien dommage, parce que quand on écoute des enregistrements anciens, vraiment au début de l'enregistrement, on entend chez de nombreux chanteurs un style qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il y a de nombreux chanteurs, quand on entend ces enregistrements, qui ont une très très grande facilité à faire ce qu'ils font. Et ça, ça peut... Ça, il y a quelque chose qui s'est perdu. Enfouis sous les quatre tours de Tolbiac, dans le 13e arrondissement de Paris, les entrailles immenses de la Bibliothèque nationale de France engendrent inlassablement leur cortège mécanique de nacelles suspendues à des rails, transportant des documents. La voix de Moreski est conservée ici, sur quelques disques des années 1900, précautionneusement manipulée par l'ingénieur du son Luc Verrier et les conservateurs Lionel Michaud et Bruno Sebald. Les éditeurs phonographiques, dont Fred Geisberg, qui est le producteur de la gramophone anglaise, avaient souci d'enregistrer des personnalités justement déjà âgées. Et c'est comme ça qu'il ira, par exemple, enregistrer Tolstoï, la reine Elisabeth de Roumanie, qui était un poète sous le nom de Carmen Silva. Or, en 1902, c'était un peu la course à l'échalote pour enregistrer le pape Léon XIII. Léon XIII était un pape qui était populaire, qui avait 93 ans. C'était le pape que Fred Geisberg et William Geisberg, les deux frères de la gramophone, voulaient enregistrer. Quand ils sont arrivés à Rome, l'entourage du pape ayant trouvé que sa sainteté était trop fatiguée pour les accueillir, on les a priés de se replier vers la chapelle Sixtine, donc le cœur de la chapelle Sixtine, et le maître de chapelle et aussi soliste de la chapelle, Moreski. C'est dans ce cadre-là que Moreski réalisa quatre enregistrements en 1902, dont un Crucifixus de Rossini, qui sera malheureusement raté parce que Moreski n'était pas à l'aise du tout devant le cornet acoustique. Il n'y a aucun effet d'amplification. L'interprète met devant un cornet acoustique, doit chanter le plus fort possible parce qu'il faut que ça passe. Et malheureusement, ce qui va d'ailleurs être un grand problème pour Moreski, les voix aiguës passent, les sons aigus passent très mal. C'est le cas du violon, c'est le cas des sopranos. Quand la gramophone revient en 1904, la vieille école dont Moreski était un des derniers tenants vient de disparaître, d'autant plus que son chef de chœur, un dénommé Mustapha, vient de prendre sa retraite. Et donc c'est vraiment la fin aussi d'un monde sur le plan répertoire. On interdit les voix des castrats, Bruno Sebald, et on interdit ce vieux répertoire musical décadent. Alors c'est pas en même temps. Le fait du castrat, c'est à la fin du XVIIIe siècle que normalement était dicté un interdit. Après, même les papes ont continué à fermer les yeux. Quand Moreski, né en 1858, est castré, on n'a pas été regardé de trop près. Par contre, là, oui, c'est le, sur le plan du répertoire, oui, c'est vraiment 1903 qui marque un tournant. On écoute. Ce qui fait que Alessandro Moreschi est passé à la postérité, d'une certaine manière, Nicholas Clapton, ce sont ses enregistrements. À quoi ressemble cette voix de Moreschi? C'est Pavarotti chantant sur l'hélium. Ça veut dire que si on chante avec l'hélium dans la gorge et pas de l'oxygène, la voix devient très très aiguë, une octave plus aiguë que le normal. Et je peux dire que la voix de Moreschi, pour la plupart, ressemble à une voix de ténor très, très, très forte et énormément aiguë. Et les aigus ont une force, mais aussi une délicatesse extraordinaire pour moi. Il y a un moment, on a l'impression qu'il pleure un peu. Et il devait avoir une interprétation, mais ça, c'était dans l'esthétique de l'époque. Il mettait beaucoup de sentiments, donc ça passe mal dans notre conception de l'interprétation. C'est comme Sarah Bernhardt quand elle enregistrait Phèdre. Il mettait tellement d'emphase que c'est très dur à entendre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est pas eux, mais il faut voir aussi l'esthétique. Et justement, ils sont les représentants d'une époque. Et comment la trouvez-vous, cette voix, Bruno Zébald? La première fois que je l'ai entendue, il y a 40 ans, c'était un jour à la radio, j'ai eu l'impression d'entendre une vieille bonne femme. Excusez-moi, mais c'est l'impression que ça m'a donnée. Je suis quand même resté un peu interloqué. Alors, on l'entend dans des meilleures conditions aujourd'hui. Pour toutes les raisons que je vous ai dit, c'est esthétiquement un peu difficile à avaler, mais c'est un très beau témoignage. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de se donner l'idée de ce que pouvait être une tessiture de castrat. Parler un peu de la voix de Castra, cette voix qui n'a pas mué, Nicholas Clapton. Avec la voix de Moreschi, on peut avoir un sens défini des voix de ces géants de la voix du XVIIIe siècle. Cette tradition de ces machines faites pour le chant, des machines faites pour chanter. Et c'était tout à fait pas une voix masculine, pas une voix féminine. C'est une troisième voix d'un autre sens, d'un autre sexe, d'un genre particulier. C'était une chose inimaginable. Même avec les enregistrements de Moreschi, on ne peut pas imaginer les miracles qui pouvaient faire les grands des années du baroque, comme Farinelli, Caffarelli et les autres. C'était un autre monde. Et l'ambiguïté sexuelle, oui, autant que la beauté de la voix, contribuait à la fascination? Absolument. La chose qui fascine au public le plus, c'est l'ambiguïté, la sexualité. C'est une combinaison très forte. beauté de voix, ambiguïté sexuelle, pouvoir musical, pouvoir et spirituel. Oh, incroyable. Homme qui chante avec une voix aiguë, ça fait penser à un enfant, ça fait penser à une femme, ça sort de la norme. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus accepté, mais je me souviens, il y a encore 10 ans, ça l'était beaucoup moins. Des chanteurs comme Andrea Scholl, Philippe Jaroussky ont fait un gros travail, par exemple, sur ça. Ils ont appris, pas à normaliser, mais à habituer les auditeurs à cette voix qui est entre l'enfant et la femme. Une troisième voix, oui, on pourrait dire ça. Alessandro Moreschi quitte le chœur de la Sixtine en 1913. Il s'entretient quelques années plus tard avec le musicologue autrichien Franz Abbeuk et envisage sous son impulsion d'entreprendre une tournée avec le répertoire des grands castrats baroques, mais ce projet restera lettre morte. En 1922, à Moscou, l'Union soviétique est proclamée. À Paris, Landru est exécuté. Et à Rome, la voix du dernier castrat s'éteint, tandis que les fascistes marchent sur la capitale. La professeure Martha Feldman, un musicologue très, très, très bien connu, américaine, elle a fait des recherches à Rome. Elle a découvert que Moreschi était vraiment marié. Quand il s'est retiré de la Sistine, il pouvait se marier. Il s'est marié pour sauver la réputation d'une femme qui avait été abandonnée par un de ses collègues. C'était une histoire extraordinaire. Cette madame, elle avait un fils. Moreschi s'est marié avec elle et lui, il a adopté ce petit comme son fils. Et son fils s'appelait Giulio Moreschi. Et lui, il est aussi devenu membre de la Sistine comme ténor. Mais cette madame, elle a abandonné Moreschi. Après quelques années, c'était une histoire affreuse. Et Moreschi et son fils adopté ont habité le même appartement à Rome jusqu'à la mort de Moreschi. C'était Alessandro Moreschi, l'ange de Rome. Avec Nicolas Clapton, Léopold Gilotz-Laforge, Bruno Zebald, Lionel Michaud, Claire Gilly et Luc Verrier. Léopold Gilotz-Laforge a été enregistré à l'église Saint-Merry à Paris, en compagnie de la soprano Clara Guillon et de la pianiste Juliette Journeau. Merci à Nathalie Moller de France Musique. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Marie Chartron et François Teste. C'est la fin de ce premier épisode. Je vous retrouve demain à 13h30 pour la suite du documentaire Chemin de voix. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.